ce soir, vendredi 13 janvier 2012. Canal Sud, 92.2. Canal Sud, @warnet.net. Canal Sud, 92.2. Oui, vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net le vendredi 13 janvier 2012. J'allais pas me tromper sur l'année, mais je me suis trompé sur le mois. Thank you.

d'accord. Voilà. Misance. Il est 9h30, c'est un peu tard. Là. Il est donc 21h30, une sonnuisance bat son plein, comme vous pouvez le constater. De quoi, la lumière? Non mais voilà quoi, faut prendre le casque. Ça va là? Qu'est-ce le volume qui se passe? Le volume c'est bon? Il n'y a pas les deux en même temps, c'est soit le casque, soit le retour. Ah bon. Excuse-moi. Voilà. Ta brutalité, ton déhanché, ta bouche en forme de losange. J'aime entendre tes paix, la fenêtre ouverte en plein hiver et mon corps qui a besoin de se frotter au tien. Ah, un fœtus mort dans la main. Non, merde. Shit, c'est du caca. Excrément humain. Dilatation optimale. Les vents ne veulent cesser. Je continue à pénétrer. Un doigt, deux doigts. Bientôt toute une main. Une poignée de fer qui rencontre ton... Et la toiture, là. Et moi, je te dis, je t'aime. Petite mort, je t'aime. Oui, petite mort, c'est comme tu aimes que je te surnomme. Tu n'aimes pas que je t'aille, que je parle de... Génial. Et quand je prends mon fusil et que je le mets au plus profond de ton être, tu ne me donnes même pas ton numéro de compte bancaire, parce que tu n'en as pas. À chaque fois, tu me payes en nature. C'est tout ce que t'as à dire, de la merde comme moi, tu sais. C'est pire que tout, quoi. Ouais. C'est horrible. Ah, je t'ai écrit un texte, attends, je vais le sortir. Ah, vas-y, ouais, écris-moi un texte. Attends, je t'ai écrit un texte, attends, deux secondes. Je prends la feuille. Hop. Et je vais écrire mon texte avec un briquet orange. parce que vous ne voyez pas la couleur, et je pense que c'est très important de connaître la couleur du stylo qui écrit le texte sur une feuille blanche. La feuille est blanche, évidemment. Elle est toute blanche, il n'y a aucune ligne. Elle permet de laisser mon esprit déborder pas plus loin que la feuille, bien sûr. Genre, je déborde, mais pas vraiment, parce que quand on écrit dans une, sur une feuille, on part de gauche et on va jusqu'à droite, mais on reste un peu au milieu, on s'éloigne pas trop des bords. Mais alors, je vais faire en sorte que la feuille elle, disparaisse, et je vais écrire sur la table des trucs comme « je vous emmerde » ou « je vous baise » ou des trucs du genre, mais j'aimerais bien aussi vous baiser de vrai et moins vous emmerder, parce que le caca c'est un peu délicieux, mais en même temps ça sent mauvais, et l'amour, c'est plus que du caca. Parce ouais, c'est que, autre chose, ouais, c'est vrai, ouais. Parce que c'est trop cool quand on fait l'amour. Ben, le coït, c'est trop génial. Ouais. Parce que j'aime bien sentir tes fesses contre mes poils, tu vois. Et, ouais, c'est cool. Vas-y, continue de me parler de mes poils, s'il te plaît. Et c'est génial. Mais c'est pas à toi, personnellement, que je parle. Non, non. C'est un peu au monde entier. Ouais, moi aussi. et surtout, je voudrais parler aux enculés, quoi. Ouais. Aux enculés. Donc, vous savez ce qui vous attend, quoi. Je veux dire... C'est pas encore pour aujourd'hui, mais bientôt, quoi. Vous allez avoir droit à toute une série de rétaliations, quoi. J'ai trouvé que ça, quoi. Ça marche, ce mot, ou c'est un mot qui marche pas, je sais pas. Oui, ça a tiré de Ritaline, comme racine grecque. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça, c'est Ritaline. Étymologie de rétalation, comment tu appelles ce mot? Comme trépanation, quoi. C'est du trépanisme. D'accord, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce pas pareil. Non, pas tout à fait, mais ça a tout à voir avec trépignation aussi. Ah, il ouais. Y a beaucoup de fion à la fin du mot. C'est ça. Oui, c'est une sorte de queue infinie. C'est comme l'histoire de personnes consentantes qui s'entreculent à la queue leu-leu et qui réussissent à fermer la boucle. Une boucle infernale. Non, fermée. La boucle infernale. Une boucle, c'est assez sympathique, c'est intéressant. Je préférais quand tu me parlais de mon cul, en fait. Tu préférais ? Ouais. Moi, j'ai envie de te raconter des histoires qui me sont arrivées quand j'étais tout petit. C'était avec un vieux qui venait de m'aborder, et il m'a demandé comment tu t'appelles. Moi, je lui dis, moi, je m'appelle Farid. Et il m'a fait enchanté, moi, je suis Bertrand. Mais il m'a dit, je suis vraiment très enchanté, et tu es vraiment enchantant, c'est pour ça que je suis enchanté. Ah ouais, et, carrément, et oui, putain, c'est chouette ça. Et oui, et il était poète, il m'a raconté plein de choses très jolies. Et il me disait que j'avais des beaux yeux, même si je portais des grosses lunettes, pour cacher mes yeux qui étaient tout petits, parce que j'avais les lunettes qui me faisaient rendre les petits tout petits yeux. Et moi j'étais quand même petit à ce moment-là, alors je comprenais pas qu'il voulait me rentrer dedans. Ah ouais, moi c'est pareil, je comprenais pas non plus, j'ai pas compris, non. Ça t'est arrivé toi aussi ? Non. Alors laisse-moi te raconter... Mais ça aurait pu, tu vois. Comment c'était ? Ça aurait pu stule, tu vois ce que je veux dire ? Tu es jaloux, ça se voit. Ouais, c'est vrai. Ça se voit, t'as... J'ai rien à raconter. T'es jaloux ? Moi. Non, t'es jaloux qu'il y ait un vieux qui s'appelle Bertrand, qui est venu me voir. Un vieux con, je suis. Non, pas toi. Lui, il était plus vieux que toi. Et lui, il disait des trucs gentils, des trucs beaux. Et moi, j'aimais beaucoup entendre sa voix, parce que ça faisait comme si c'était la voix d'un père que j'avais jamais. Et alors, du coup, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prenne ta main ? Moi, je lui ai dit, oui, vas-y, prends ma main, on y va. On va où ? Il m'a dit, oui, on y va. Et je lui ai dit, on va où ? Il m'a dit, mais inutile de savoir où on va tant qu'on est tous les deux main dans la main. Marche avec moi, tu verras, tu marcheras plus vite. C'est vrai que j'avais de petites jambes, je marchais pas très vite. J'aimais bien courir au milieu des champs, mais là, on n'était pas dans les champs, on était en plein milieu du quartier. Merde. Oui, ben les potes, ils étaient jaloux aussi. Ils ont dit, oui, il est parti, il a trouvé un riche avec qui partir. Oh, putain, parle-moi de sa thune. Sa thune, il avait une belle voiture. À l'époque, c'était une super belle voiture avec des suspensions motrices que t'appuies sur un bouton et ça monte comme dans K2000. Botch. C'était trop bien. C'était trop, trop fun. Mais après, on a fait des trucs, tu vois, je voudrais pas trop te raconter, hein, ça se dit pas comme ça. Mais il était très, très... Et puis après, c'était très... Ouais, c'était beaucoup comme ça aussi, toi. Ouais. Ah, moi aussi, c'était pareil, je veux dire, quand ça m'est pas arrivé, quoi. Ça t'est arrivé pas, alors ? Non, c'est... ouais, c'est ça. Ça t'est pas arrivé ? Non, pas tout à fait. Mais t'as trop pas de chance, parce que après, y a pas longtemps de ça, j'ai essayé de faire comme lui, rendre un enfant aussi heureux que moi, que j'étais quand j'étais enfant. J'étais super content. Après, j'ai oublié, mais sur le coup, j'étais trop content. Je me rappelle de la voiture là qui faisait tin-tin-tin, tin-tin-tin, tin-tin-tin, aïe, tin-tin-tin, tin-tin-tin. C'est quand même une expérience assez mémorable. Mémorielle. Mémorable parce qu'on voudrait pas s'en rappeler. Non, mémoriel, mec. Mémoriel, comme si je voulais écrire une mémoire. Non, un mémoire. Un mémoire. Et des chevals. Ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Mais moi, je suis un peu... Ouais, moi aussi, je sais. Ça me touche. Moi aussi, je suis complètement même. Oui, c'est vrai que t'es à côté de moi. Non, je suis pas à côté de toi, je suis en face. Non, t'es à côté de moi. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. À chaque fois que je parle, t'es à côté de moi. T'es dans mon oreille droite, t'es dans mon oreille gauche. Ça fait chier, ça. Non, c'est trop cool. C'est cool, d'accord. T'es comme le Seigneur, mais... Celui qui saigne, tu veux dire. Oui. D'accord, c'est cool. Un peu, mais celui qui saigne avec le jour, le sourire... Ah ouais, s'ouvrir, ouais, j'aime bien s'ouvrir. Non, le sourire jusqu'aux oreilles. Ah, le sourire, pardon, excuse-moi, j'avais compris s'ouvrir, en fait, au monde non, qui nous entoure. T'es déjà ouvert, ça, on le sait. Je suis pas forcément d'accord avec toi, tu sais. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Dis-moi pourquoi. Parce que je suis un peu con, quoi. Je suis un enculé, tu sais. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bah, j'aime bien être un enculé. Pourquoi ? T'as un problème avec ça ? Non. Bah, va te faire foutre. C'est pas vrai. Si ? Non. Si, va te faire. Oui, mais moi je veux bien, mais c'est pas vrai que t'es un enculé. Si, si, je te jure. Non, je te crois sur pas. Sur la tête de ma mère. Tu me montres ? Ouais, vas-y, regarde mon cul, quoi. Il est béant, tu vois ? Ah, c'est oui. Ça, c'est la vie, c'est... C'est la vie de mon cul, en fait, que je voudrais entendre parler, quoi. Ou de ton cul, si tu veux. Tu aimes bien les culs ? Non, juste le cul, quoi. Je veux dire, le cul qui chie, quoi. Le cul, pas celui qui se retrouve dans une phrase ? Non, le cul qui chie. Le cul qui fait des chis. Qui chie, le cul qui chie, mec. Ça fait... d'accord. Écoute, j'ai autre chose à foutre que de t'écouter, en fait, tu vois. Donc je vais essayer de configurer une merde. Une merde qui me saoule, grave. Tu veux que je te remplace ? Non, ça me saoule vraiment grave, quoi, tu vois. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ouais, c'est bon. Vous êtes sur Canal Sud et vous êtes mal accueilli. Ah ouais, mais moi je suis d'accord, hein. On vous fait mal. Vous fracasse. Moi, je suis d'accord. Faut dire que c'est très agréable. Bah, c'est soit t'es là, soit t'es pas là, tu vois ce que je veux dire. Si t'étais pas là, je te dirais rien, mais... Je suis là. En l'occurrence, ouais. Du coup, je m'en prends à toi, quoi. C'est... Il me paraît évident que je ouais. Tout bourriner la... Ouais. La gueule avec de la connerie, sûr. Quoi. Tu vois, vas-y. Non, pas ça. Non. Non, non. Allez, faisons-le. Je pensais plutôt m'en prendre à ta sœur. Ah. Merde. Excuse-moi, je... Tu veux qu'on fasse ça à trois ? Ouais, carrément, si tu veux. Tu aimes bien les filles ? Je m'en fous. Tu veux que je te raconte une histoire que j'ai eue avec une fille ? Laquelle ? Une fille. Laquelle ? Tu veux son prénom ? Je veux tout son nom de famille, son adresse et tout. Si c'est un truc que ça lâche, je veux bien. Ah ouais ? Ouais. À la radio ? Bah ça la regarde hein. Ça ne regarde pas hein. C'est son adresse, c'est sa vie, t'sais. Mais elle peut pas voir avec les ondes sonores. Ouais, mais elle peut peut-être nous écouter à moins qu'elle soit aveugle. Bah, sur le 92.2 FM. Ah oui, il y a une webcam. Vous allez voir le trou du cul de Al. Ah ouais, mon trou là. Du cul, donc béant. Allah. Allez là. Et quand il fait Allah au Kobol, il est trop beau. Ouais, j'aime bien aussi. Il est trop fort. Ce mec, c'est le meilleur. On dirait pas, mais vous avez de la chance. Oh, vous avez trop de chance. Ouais. Vous écoutez le la beauté même, que c'est vrai. La beauté pure. Pure, la pure race beauté. La beauté pure race. J'ai acheté une beauté pure race ce matin. Il faudrait que... Il faudrait qu'on trouve un truc à aller à boire. Ah putain, j'ai de la thune si tu veux. C'est vrai? Ouais. Allez, vas-y, on y va. Tu veux aller, je vais pas tout seul là-bas. Allez, regarde. C'est bizarre, les égyptiens. Ouais, mais il faut bien que... Il y a des gens qui restent ici pour animer, non? Ouais, vas-y, ouais, carrément, tu sais, si tu veux bien. Ça serait cool, hein. Je sais pas, comme tu veux, sinon on fait le contraire. Vas-y, un tire-bouchon et tout. Une bouteille de blanc, j'ai un tire-bouchon. Un truc dégueulasse, comme ça on pourra dire des trucs salaces. Non, un blanc. Non, j'entends pas ce que tu dis, tu veux pas parler plus fort. Tu veux que j'enlève le casque? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu as mis ta veste? Tu veux mon manteau? Tu veux l'essayer? Je te prête une veste. Vas-y, tu veux. Il est là-bas. Ah non, il est là. Excuse-moi. ça la boîte à souvenirs. Bon, je sais que c'est insupportable, mais j'en ai absolument rien à battre, quoi. Mais y'avait rien qui tournait tout à l'heure, que c'est insupportable cette merde. Je suis désolé hein, Canal Sud, mais vraiment cette merde, c'est de la merde, ça fait chier, tu sais. Parce que je suis en feedback. Là. Non, je suis là, ici. Ça va là. C'est vraiment. Nous allons tenter pour vous de faire de la musique ce soir. Quoi ? Tiens. Non, ça c'est. Ah oui, c'est. D'ailleurs, quand t'as fini avec la souris, tu me le dis. Donc je vais vous lire un texte de Judas. Allez vous faire enculer, tu sais, vous êtes de la merde et je vous merde. Allez tous vous faire. Voilà, un texte de Bouddha maintenant. Je vous faire enculer. Merde, vous êtes la merde partout. Un texte de Jésus. Jésus dit, va te faire foutre enculé, bâtard. Faire sa merde, putain de chiotte. De Mahomet maintenant, toi enculé, va te faire foutre, bâtard, tu pues de la gueule, sale merde. On peut voir les entrecoupements de toute cette foi, quoi, exhibée. Exhibée. JB en catimini, quoi. Là, il vous reste à peu près 30 secondes pour partir. Sinon, vous allez crever. Ça y est, vous êtes mort. Chouette. Ensuite, on parlait sodomie tout à l'heure, et donc je voudrais revenir sur le sujet, quoi. Est-ce que la sodomie est anale ou pas, t'sais ? Jésus, que je veux dire. Après tout, on sait jamais quand ça commence à prendre, quoi. La pâte. La pâte chref. Donc quand j'ai chréfi la pâte, je chréfi la pâte en chréfissant de gauche à droite et de haut en bas, tu vois, quoi. Ou de bas en haut et de droite à gauche. Alors tu chréfis la pâte en chréfissant. Et chréfissant, ça fait toujours chréfir, quoi. Chréfisse même. Je dois avouer que la chréficide, toujours génocide de la décantatoire et omnubilante incantation. Alors que justement, on n'avait toujours rien compris à l'histoire. Et donc, on parlait de bites tout à l'heure. Donc, si on peut parler de bites en travers de la gorge. Ce serait bien. En fait, j'ai rajouté du feedback. Je suis pas forcément d'accord avec toi, tu vois. Pas commencer à te faire chier, bordel. Oui, je dois avouer que je n'ai toujours absolument rien compris à l'histoire. Est-ce que tu peux me la réexpliquer, s'il te plaît ? Le mec, donc le gars qui se lève le matin, il va bosser et ensuite il se couche le soir, tu vois, tu comprends ? Laisse-moi comprendre, parce que si c'est bien ça, si j'ai bien tout compris, en fait, si je m'encule, en fait, c'est peut-être qu'on est décroché, quoi. Sauf que décrocher quoi, en fait ? Décrocher quoi ? A priori, je veux bien décro, mais faut pas exagérer, quoi. Faut pas exagérer. Ce n'est jamais moi le problème. Je suis d'ailleurs contre les blêmes. Je veux dire les livides blafards. Les enculés, quoi. Excusez-moi de vous parasiter la vie avec cette merde. Franchement, j'en ai rien à foutre. De rien. De vous, quoi. Nous tous sommes. Et nous crevons. Les abcès purulents. Et absconce, c'est une vie tiède. Comme la tiédeur même que lorsque je dis. Je voudrais dire bonjour à tous les junkies. tu veux. Attends. J'avais envie de vous parler d'un truc très grave. Comprendre ce que je dis, quoi. Ce qui est quand même fondamentalement très grave. Et d'ailleurs, je m'entends pas dans le casque. Ce qui est également grave. Alors, j'ai décidé de changer de casque. Ah, c'est très grave. C'est très grave. Je vais essayer ça. Peut-être à trouver sous les siens. Toujours pas. Tant pis. C'est là. Je trouvais. Je voulais donc vous parler de du gain et de l'attrayance vers un coin d'azur. Il se peut que jusqu'à présent vous n'ayez rien compris à l'émission. Je suis donc là pour vous expliquer ce qui se passe. Oh mon Dieu, c'est horrible, nous sommes attaqués par des avions en chasse. Le cristal est en train de se casser par terre. Et un Larsen vient nous faire chier. Et tout ça dans le cadre de l'émission Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Avec des invités qui se présenteront s'ils veulent. Quel beat! Quel groove! Groove! Tout ça pour vous, on vous propose l'enfer à domicile. L'enfer est bien sur terre, vous le savez à présent. Donc si tu pouvais me passer Fruity Loops 9, ce serait cool quoi. Et si tu veux bien rouler ça vite fait quoi, et boire mon verre, ce serait cool aussi quoi. Merci d'être passé quoi, à ta santé mec. Et tu veux un trip ou quelque chose, ben un voyage quoi. Et c'est ça qu'il faut faire dans la vie, il faut voyager, tu sais, ça forme la jeunesse. Ouais, ma mère elle m'a dit que t'es un enculé, alors je vais faire foutre quoi. Tu veux dire parce que mon père il me dit que t'es un bâtard quoi, un foutre dieu, tu vois. Pendant ce temps-là, je fume de la tête tellement j'ai réfléchi à cette émission et je me casse encore le cul, quoi, pour vous, hein, encore une fois. Enfin, on se casse le cul pour vous, tu sais, encore une fois. Bande d'ingrats, tu sais. Vous êtes des gras. Vous n'êtes pas ingrats, vous êtes des gras. Merde, c'est quoi cette horreur, là? Oh là là, ça fait chier, tu sais. C'est chier, bordel de merde. Il y en a marre. Butez-les tous. Tous et toutes. Tuez-les tous. Tous les bourgeois. Tuez les bourgeois. Non, c'est pas un message subliminal. Non, j'en appelle à la violence artistique. Jetez-leur des œufs pourris. C'est beau et ça sent fort. Pendant qu'on bouffe du LSD partout dans le monde, nous on se fait chier à devoir se battre contre des keufs de merde. Je suis pas forcément d'accord avec ça, tu sais. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un au bout du fil? C'est des bâtards, c'est tout ce que vous êtes. Enfin, enculé. quelqu'un de mort au bout du fil, tant mieux. J'espère qu'ils sont tous au bout du fil en train de crever. Allô, y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un là? Non, y'a personne! Y'a personne, allô? Allô? Allô? Putain, j'ai pas de numéro de téléphone, comment je vais faire pour appeler quelqu'un? J'en ai pas un seul putain d'ami qui veut me filer son putain de numéro de téléphone portable de merde, putain. Comment je vais faire? Enfin, je me bourre la nuit encore une fois avec mon téléphone BlackBerry, Samsung, iPad de merde, de chiotte, enculé de race de téléphone de merde. Sinon, je peux me masturber avec ma carte téléphone cabine. Enfin, enculé. Postillon. Purulence. Pu. Pustule. C'est du pu qui stule. Lentement, lentement. Il stule lentement, le pu. Le pu se stule lentement. Et pendant ce temps, la terre tourne. Tourne ? Ouais, la terre tourne. Elle tourne. La terre donc tourne, toujours. C'est la fête ici, c'est le groove. Nous, ce qu'on veut, c'est du groove et du funk. Et va te faire déliquer. Ah merde. Ah merde. Ah merde, Seigneur. Je te supplique. Sur la table, encore une fois. Ne voudras-tu jamais donc de moi, tu sais, Seigneur, au saignant, purulence. Oh mon omniproute. Mon omniproutant. Oh mon cher étang, enculé bâtard de merde. De merde, t'entends? Tu vas foutre le camp, bâtard. Mais putain, crève. Toi, crève là-bas, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Non, crevez tous, comme je disais au début. On va vous faire chier jusqu'au bout. T'sais. On va vous faire chier, bande de bourgeois de merde, d'aristocrates, de cons, et de cul, et de bites, et de chattes. On va vous chier dessus. On va vous pisser à l'arrêt. On va vous faire boire notre pisse et notre merde. On va la faire manger à vos enfants. Qui seront pendus par les pieds pendant 24 heures pour qu'ils meurent dans d'atroces souffrances. Derrière vous, en criant « Maman, papa, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi je suis né aristo bourgeois ? Pourquoi ? Maman, papa. C'est votre faute. C'est votre faute à vous. C'est vous qui les avez fait, ces aristos bourgeois de merde, espèce de banquier de chiottes. Vous avez crevé, vous le savez, hein. Vous le savez deux. Vous le savez trois fois. Vous avez combien... Vous avez crevé combien de fois? Pour l'éternité, les banquiers. À la mort. Et pas de morgue pour ces banquiers-là. On laisse leur cadavre aux chiens. Cadavériques, yinches de merde, qu'on va crever les abcès purulents qui leur sortent du cul, avec leurs hémorroïdes anales, j'hésique, et j'hésite pas. On va prendre les banquiers, on va les foutre dans un four, et on va le laisser crever de faim et de soif, en se pissant, en se chiant dessus, et en éjaculant et en mouillant jusqu'à la fin. Et pendant ce temps-là, l'anus brûle, ok, brûle l'anus, de mon cher et tendre derche. Mais oh, pourquoi de ratitude, tant de fois et tant émise la possibilité que un rat soit de la basse classe, de l'humain, sous. Oui, l'humain, sous. L'humain, la sous-merde. Aigritude ? Non. Maigritude. Maigre, oui. On crève la dalle. Merde. On bouffe de la merde. Et on crève la dalle, bordel. Putain, ça fait chier. Ça fait chier, vous entendez ? On crève déjà la merde purulente des abcès de con et de cul, de bites et de chattes, des riches aristocrates bourgeois, de banquiers de merde. Et pendant ce temps-là, ils nous enculent en bouffant notre merde, parce qu'ils aiment ça. Nous ramasser à la petite cuillère et nous foutre en tas. Et nous becquer. Vous êtes sourds ou quoi? C'est la fin du monde. Ils ont pris le pouvoir. Le pouvoir, c'est eux qui l'ont. C'est la fin. C'est foutu. Alors crevez, merde. Vite. Vite. Crevez les abcès purulents. Lamentation atroce. Atrophie du ciboulot. Le mentalisme, c'est con. Nous, ce qui est faux, c'est du capitalisme. C'est ça qu'il nous faut. Du capitalisme véreux. Une connerie. Ah, ça y est, ils sont là. Ils vont me niquer par le cul. Oh non, faites pas ça. Non, surtout pas. Je voudrais pas que vous me niquiez le cul. Surtout pas, espèce de capitaliste véreux de merde. Bon, bah d'accord, allez-y, prenez-moi l'anus. Mais faites rien, mes enfants. Mes enfants, ils sont dans leur tombe. Dans la tombe des capitalistes pendant ce temps-là. Et ils leur détroussent les manches. Leurs parents et leurs flatulences. Tout ça, quoi. Bon bah tous les potes allez vous faire enculer. Tout le monde va se faire foutre ce soir. Tous et toutes, ils vont crever. Ouais, ils sont morts. Tous et toutes, ils sont morts, ils sont plus là. Et elle, je veux dire. Et ensuite, après être plus là, ils vont crever, quoi. Encore une fois, tu sais. Et juste jusqu'à l'infini. Allô, y'a quelqu'un au bout du fil? Non, y'a personne. Connard, ta gueule. Va chier. Va chier. Grosse merde. Puante le cul. Du, c'est du, c'est du. C'est dur, merde. Ça veut pas sortir. Ça y est, ça l'harcèle encore. Y'a rien à faire vraiment. Ça veut pas s'arrêter. Merde. Nous sommes en train d'exécuter l'aude au seigneur purulent qui va se faire foutre cet enculé. Et en opus 24 du A, B, CD 421-12, nous assistons à une résurgence de commémoration en ce moment. Celle de la commémorance, justement. La beauté, la grâce, la pénibilité. Tout cela et même plus est représenté en l'harmonie d'une couleur. Une couleur atrophiante. Celle d'un enculé de merde qui va se faire foutre encore une fois. Dieu et tous ses maîtres et seigneurs vont se faire pendre par les pieds en opus 24, 421-12. Le 23 étant le numéro marqué sur la partition en bas de page, car ça vient d'une anthologie grecque et romaine aussi, de lutte permanente et intransigeante envers les résurgences justement incantatoires. Nous sommes dans un discours blasphématoire, justement blasphémique, vers les tendances sur JCR. Et ensuite ils y vont aussi en lâchant le truc vers le frisbee, t'sais. Tout ça en réaction au streamless, quoi. Donc c'est pas le streaming, c'est le streamless, il n'y a pas de stream dans l'histoire. Ça vient tout juste d'apparaître. Et donc, le pouvoir, donc, ça vient du grec. Ça veut dire la puissance de Dieu dans le cul, atrophié par le ciboulot mental, d'un torcher le cul, moi, le derche, vite fait. Et tout ça en permanence, en permanence. Vous voyez ce que je veux dire ? Rien, je comprends pas les gars, j'ai pas compris, putain, je... J'ai fait beau, j'ai fait sombre, j'ai fait parler les gens, longtemps, allô, ouais, attends, ouais, tu m'entends, ah ouais, ça craint, quoi? Fais, vas-y, on va essayer, ouais. C'est ce que je fais. Bon, fais gaffe, hein. De toute façon, je gère. Ouais. Ouais, bah, c'est bon, là. Moi, je t'entends, là. Donc, vas-y, pose ton volume comme tu le veux, et moi, je réglerai en fonction. Attends, j'ai développé mon téléphone. Fais comme tu peux. Attends. Tu me dis quand t'es prêt. Et je te fais l'arsener, à mort. On va faire Pif Gadget ce soir en direct. Vous nous entendez, l'Auvergne? Ouais, l'Auvergne va se faire enculer. Ouais, c'est normal, le son est toujours pourri sur Nuisance. Je te rassure. Est-ce que tu nous entends, nous, quand je pose le téléphone, genre là, t'entends quelque chose derrière moi? Là, je t'entends. Derrière, je sais pas trop, non. Un peu, mais tiens, on va essayer un truc. T'as entendu Gabi, genre, hein? J'ai entendu un truc au fond, ouais. Tu joues de la batterie, tu l'entends? Oui. Ok, ça ressort pas, là, je comprends pas. Bah là, je suis à fond, moi. Ça sort pas chez toi? Bah c'est peut-être normal, je sais pas. Peut-être c'est Dieu, tu sais. Tu sors plus sur mon ampli, là, c'est chelou. Tu m'entends? Moi, je t'entends dans mon téléphone, mais je t'entends plus sur mon ampli. Bah si, ça craque à peine, mais... Là, toi, t'es à fond. Ouais. Tu aimes notre piano? Ah ah. On vous entend, les gars. Je m'entends pas dans la radio, en fait, dans l'ampli. Ouais, mais moi, je t'entends et tu passes. Ah ouais. L'essentiel, c'est qu'on t'entende. Ouais, cool. Et qu'on s'entend. En tout cas, on est là. Okay, et vous êtes aussi, ouais. Donc moi je vous laisse faire. Hein. Vaut moi mieux je parce pose que. Mon téléphone. Vas-y, parce que nous on est vachement fort, donc on va plutôt vous laisser faire. On va on va prendre le temps de fumer une cigarette. Et... Ouais, mais c'est ce qu'on fait aussi. Porc. Salut mec. Ouais, là. Attends. C'est pas rien, j'essaie de l'accrocher en l'air au téléphone. Tu vas remplir le faire. Vas-y, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ce soir sur Canal Sud. Nous avons l'occasion d'écouter une cantate par Autiste et Gab et je ne sais qui d'autre s'il y en a d'autres. Ils sont tous là pour vous faire plaisir ce soir, pour vous nuire encore. Partout dans le monde, des gens vous nuisent. Ils sont là pour vous ce soir. Ils vous nuisent. Appréciez la nuisance de ce soir. On va tous crever de merde, putain de fichier de merde. en direct de l'Épine, en Auvergne centrale. La bande de... toute la bande de... est en train de vous performer une représentation du monde entier, tel qu'il est, vraiment merdique, vraiment à chier, comme la merde qui pue le cul, et la merde aussi. Traduit pour vous, ça veut dire aller vous faire enculer. Enculé ! Ouais, enculé ! Enculé ! Enculé ! Vraiment la merde, ils sont intenables dans le studio, ils vous disent que de la merde. Enculé ! Enculé, on aimerait, enculé ! Mais j'ai enculé ! La sodomie est donc légale. C'est un sujet contraire à l'émission, à nuisance qui nuit au sens. La légalité est hors de ce monde. Le monde est tout. Comme des couilles. C'est illégal de puer du cul comme ça. C'est pas fini les gars, y'en a marre là. Non mais arrêtez, c'est bon là. Non mais arrêtez avec l'écho, y'en a marre. Marre. Marre. Marre, y'en a marre, c'est trop. Putain mais arrêtez, bordel de merde, vous m'entendez même pas ou quoi? C'est l'enfer. La la la la la la la la la la la. Ah la merde, putain de merde. Va te faire enculer. Va te faire enculer, tu m'entends? T'as pas intérêt de parler comme ça. Tu parles pas comme ça, t'entends? Merde! Merde! Mais j'en ai marre, vous arrêtez maintenant! Y'a un connard qui parle au bout du fil! Enculé, je l'avoue, ouais, je suis un enculé de merde. Ouais, carrément. On va voir quand tu hurle. Se domise. Hurle. Hurle. Putain, c'était pas bon. Allez, encore la radio maintenant. Thank you. C'est la fin de Nuisance, c'est la fin de Nuisance, l'émission d'après est là. L'émission d'après est là. Je vais vous couper, c'est la fin de l'émission de Nuisance. C'est la fin de Nuisance. La fin. C'est la fin. L'émission d'après est là. Love Black Music arrive dans deux petites minutes. Ah, check it out. Love Blood Music va prendre l'antenne. Back that shit, homie!